Chapitre 33e. Au sortir de cet évanouissement qui avait duré quelques heures, Dulcy resta dans un état de prostration effrayant. Sir Everard voulut envoyer chercher le docteur Jebb, mais elle s'y opposa, disant qu'elle n'éprouvait qu'un peu de fatigue et que la médecine ne connaissait rien de mieux à indiquer en pareil cas que le repos. Lady Frances ne se faisait pas faute, lorsqu'elle était en tête-à-tête avec Sir Everard, de lui répéter que l'on ne brise pas impunément les liens qui attachent de jeunes cœurs à l'un à l'autre, et que l'état de Morton et de Dulcy devait lui causer de véritables remords. « Mon affection pour votre fille, ajouta-t-elle, me fera pardonner, j'espère, la franchise avec laquelle je vous parle. La franchise et la loyauté de votre caractère me sont si sympathiques, répondit-il une fois à Lady Frances, que je ne voudrais pas que vous fussiez seulement amis, mes sœurs. Voilà le rêve de ma vie. Sœurs par l'amitié, riposta Frances. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. J'ai cru m'apercevoir que votre frère trouvait Dulcy charmante, et que même, il n'était peut-être pas sans éprouver pour elle un sentiment plus vif que celui de la sympathie. N'étant pas autorisé par mon frère, je n'aurais jamais voulu vous parler la première de ce que je crois savoir de l'état de son cœur. Mais puisque vous avez provoqué cette explication, je vous dirai qu'il y a longtemps que mon père, Miss Moulton et moi, sommes persuadés non pas seulement que Dulcy lui plaît, mais qu'il l'adore. À quoi bon, du reste, ce rêve impossible à réaliser puisqu'elle ne pensera jamais à lui. Il ne faut pas tenir un pareil langage. Une femme n'est jamais absolument insensible à l'amour qu'elle inspire, et souvent, de ce sentiment surgit un autre plus tendre. Je serais bien heureuse si vous disiez vrai. Toutefois, je ne puis me faire illusion et espérer que mon pauvre Bevel ait jamais la moindre chance de se faire aimer de Dulcy. Au point de vue de la culture intellectuelle et de l'avenir politique, il est à 100 pics au-dessous de Morton, et Dulcy est si intelligente, si instruite, si sérieuse, lui ne s'occupe que de chevaux, de chiens de chasse. Il n'a pas besoin d'avoir inventé la poudre pour faire un bon mari. Puis vous le jugez sévèrement, ainsi qu'il arrive toujours entre les membres de la même famille. Qu'il fasse son siège, que diantre, mais surtout pas un mot de ce que je viens de vous confier. Je vous le jure, Sir Everard, n'oublie pas que c'est un pacte. Je suis plus flatté que je ne saurais vous le dire de la confiance que vous me témoignez. En retour, vous pouvez compter sur ma discrétion absolue, sur mon attachement inaltérable. J'y compte très certainement aussi, répondit-il gravement. Puis il plaça sa main sur l'épaule de Lady Frances, et la regardant fixement, il ajouta « Je suis heureux, bien heureux, des sentiments que je vous inspire. Mon cœur est assez large pour vous y donner une bonne place à côté de ma chère Dulcy. Allez la rejoindre, tâchez de la faire sourire. Vous êtes le bon ange de la maison. » Sous le long regard de Sir Everard, le visage de Lady Frances, après s'être recouvert d'une vive rougeur, semblait s'être changée en marbre en ayant la blancheur et la froideur. Elle aussi, peut-être, avait-elle un secret bien caché? Le temps ne pouvait manquer d'agir comme un calmant sur la nature douce et résignée de Dulcy. Ajoutons-y aussi l'effet des bonnes nouvelles de M. Mauck, le recteur, se fit l'écho, le jour où lui fit ses adieux avant de quitter Hawthorpe. Ayant commencé sa tournée de visite par Tingley, il y avait appris que le complet rétablissement du jeune châtelain n'était plus qu'une question de temps. « Ah, disait-il à Dulcy, si les gens de la trempe de M. Morton Blake étaient moins rares, je me serais bien donné de garde de quitter le pays. Mais les idées étroites, rétrogrades, qui y ont cours, ont fini par m'y rendre la vie insupportable. Je souhaite à mon successeur, M. Haldimond, de savoir mieux s'arranger de l'esprit qui règne ici. C'est d'ailleurs un homme de talent, sérieux et d'une grande énergie. Je suis sûr d'avance qu'il aura toutes les sympathies de Lady Frances, attendu qu'il ait de première force au lawn tennis. À Oxford, lors de la grande vogue de ce jeu, il a obtenu des succès dont on parle encore. « Je vous félicite, chère Miss Dulcy, » dit-il en prenant congé d'elle et en lui tendant la main, « que l'ange de la mort ne plane plus sur le chevet de votre fiancé. Personne ne fait plus de vœux que moi pour votre bonheur, et quand le grand jour sera arrivé, je ferai tous mes efforts pour venir assister à la cérémonie nuptiale. Et hélas, cher Monsieur Mauck, je vous suis bien reconnaissante de l'intention, mais je ne suppose pas que ce grand jour arrive jamais. « Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il en regardant tour à tour Dulcy et Lady Frances. Celle-ci fit vivement le signe du silence à M. Mauck, qui ne trouva rien de mieux à faire pour sortir de la difficulté que de se retirer, après avoir donné aux deux dames sa bénédiction. « Que je suis malheureuse ! » s'écria Dulcy lorsqu'il fut parti. Les questions, les félicitations, les témoignages de regret me frappent d'autant de coups au cœur. Vous avez au moins, comme compensation, la certitude de savoir Morton en bonne voie de guérison. C'est vrai, si... Elle ne put achever, tant les larmes qu'elle avait refoulées jusque-là se donnèrent libre cours. Lady Frances n'essaya d'aucun raisonnement pour calmer son amie. Seulement, elle s'étonnait avec raison que la joie d'apprendre le rétablissement de son fiancé n'eût pas eu un tout autre effet sur la douce nature de Dulcie. Dès qu'elle crut l'instant propice, Lady Frances lui proposa de venir faire avec elle une promenade dans le bois. Dulcie, qui ne savait que s'oublier pour les autres, s'empressa de répondre qu'elle allait immédiatement demander la voiture. Une heure après, elles étaient parties. Le soleil était émaillé de violettes et de pâquerettes, les arbres parés de feuillages d'un vert tendre, les haies couvertes de fleurs, l'air tiède et embaumé, la mousse veloutée, le gazouillement des oiseaux délicieux. Nul ne pouvait se soustraire à l'influence de la nature qui, dans sa beauté souveraine, semble toujours sourire aux humains comme une mère à ses enfants. Bientôt, les deux jeunes filles mirent pied à terre pour cueillir des fleurs. La voiture, pendant ce temps, stationnait dans une allée couverte, le groom gravement assis sur le siège, les rênes en main. « Il faut que nous préparions une belle réception au nouveau recteur, » dit Lady Frances, « et comme rien au monde n'est plus joli que les fleurs, je serai d'avis d'en orner à profusion la chapelle. C'est au reste, à cette intention que j'en ai déjà tant cueilli. Allons, allons, Dulcie, plus de zèle et un peu moins de rêverie. » Lady Frances était une de ces jeunes filles dont la gaieté et l'entrain ont facilement raison de toute mélancolie. Ajoutons aussi qu'elle ne se faisait pas scrupule de se moquer de son prochain, et l'on comprendra que sa conversation n'était pas de celle qui meurt d'inanition. Tout en écoutant les récits piquants de sa compagne, Dulcie faisait ample moisson de fleurs, de pleines brassées de bruyères, d'énormes bouquets de violettes, de gros paquets de mousse, témoignaient de son empressement à suivre l'exemple de Lady Frances. Dulcie avait enlevé son chapeau. À travers le dôme feuillu de l'allée où elle était agenouillée, perçaient les rayons du soleil qui jetaient de brillants reflets d'or sur la chevelure de Dulcie. Un léger bruissement lui ayant fait détourner la tête, elle aperçut une femme qui traînait lentement ses pas dans les pelis de feuilles mortes jonchant toute saison le sol des forêts. Elle était escortée de trois jeunes enfants qui arrachaient plutôt qu'ils ne cueillaient des fleurs le long des sentiers. Un banc rustique était placé près de Dulcie. La jeune mère vint s'y reposer, tandis que le trio enfantin continua à s'ébattre dans le fourré. « Jouez à cache-cache, mes chéris, mais ne vous éloignez pas, surtout. »« Mère, soyez tranquille, » répondit l'aînée de la petite bande. « Nous reviendrons toujours près de ce grand chêne. » Et les voilà partis comme une nuée d'oiseaux effarouchés. Leur mère poussa un profond soupir, puis toussa à fond dans l'âme. Elle portait la main à sa poitrine et paraissait craindre de suffoquer. Dulcie s'émut de tant de souffrance, et laissant de côté la cueillaison des fleurs, elle s'approcha de la pauvre malade. « Vous paraissez bien souffrante, » lui dit Dulcie en s'approchant d'elle et en la regardant avec une douce sympathie. « Hélas, oui, je sens que je m'affaiblis de plus en plus. Le bonheur que je respire et tous les soins qu'on me prodigue sont impuissants à me rendre la santé. » Après avoir fixé un instant ses regards sur le visage de Dulcie, elle poussa un cri. « Je ne puis m'y tromper. Vous devez être Miss Courtenay. C'est en effet mon nom. Ne vous ayant jamais vue, je m'imaginais que vous n'étiez pas du pays. » « Je ne comprends pas, je vous l'avoue, que vous me reconnaissiez. Je vous ai reconnu, miss, à votre ressemblance frappante avec votre mère, que j'ai servie pendant 4 années. Depuis que je vous sais de retour à Fairview, j'espérais toujours avoir l'heureuse chance de vous rencontrer. Plus je vous regarde, plus je retrouve dans les yeux de Miss Courtenay ceux d'Alice Rothney. C'est ce qu'on m'a souvent dit. Vous aurez donc été au service de ma mère avant son mariage? Avant et après. J'ai assisté, hélas, à ses derniers moments. » À ces mots, Dulcie pâlit et tressaillit. Elle brûlait du désir d'adresser quelques questions à son interlocutrice, tout en hésitant à le faire. « Quel singulier effet du hasard que nous nous soyons rencontrés, » dit-elle d'un air songeur. « Pas autant que vous pouvez le supposer, chère Miss Courtenay. Je viens chaque jour m'asseoir sur ce banc, pendant que les enfants jouent dans le bois. J'ai tout juste assez de force pour me traîner du cottage que j'habite jusqu'ici. » « Il m'est doux, » reprit Dulcie, de vous entendre parler de ma mère. Il n'y a plus à Fairview un seul serviteur qui se souvienne d'elle. Ce Everard congédia toute sa maison en quittant Fairview. Il y a longtemps que je demandais à Dieu de m'accorder la faveur de vous voir avant de mourir. je lui rends grâce d'avoir exaucé ma prière. Il ne faut pas parler ainsi de mourir. J'espère que l'été vous rendra des forces. Hélas, chère mademoiselle, il est peu probable que j'en voie le commencement. Et il est certain que je n'en verrai pas la fin. Mais aujourd'hui le présent est trop doux pour anticiper sur l'avenir. Mon rêve eût été de prendre soin de votre enfance, d'être pour vous une seconde mère. Alors pourquoi n'êtes-vous pas restée à la maison pour m'élever? J'ai subi le sort commun, chère miss. Ce Everard n'a pas voulu faire d'exception en ma faveur. Ce que j'en dis n'est pas pour me plaindre de votre père, mais bien pour vous prouver qu'il n'y a pas eu de ma faute. J'aimerais tant vous entendre parler de ma mère, à savoir de vous si elle était vraiment heureuse. Elle était belle et bonne autant qu'une créature humaine peut l'être. Mais était-elle heureuse, dites? A-t-il jamais existé quelqu'un qu'on ait pu dire parfaitement heureux, alors même qu'on possède tout ce qui peut rendre la vie facile et brillante, un mari dévoué, une grande fortune, beaucoup d'amis, la beauté, la jeunesse? Tous ces avantages, en effet, ne suffisent pas toujours au bonheur. Aimait-elle beaucoup mon père? Elle l'estimait profondément. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'aimait. D'après certaines allusions qu'une personne de ma connaissance a faites un jour devant moi, j'en ai conclu que ma mère n'avait point, en l'épousant, suivi l'inclination de son cœur. Il ne m'appartient pas, Miss Courtenay, de lever ce voile mystérieux. Votre mère me traitait en amie plutôt qu'en servante, et tout ce que je puis savoir sur ce sujet est sacré. Vous avez raison, je retire ma demande, reprit Dulcy. L'étrangère lui adressa à son tour une question qui la fit tressaillir. Est-il vrai que vous devez épouser bientôt M. Blake? Ce mariage est rompu. Tant mieux. Et pourquoi cela, je vous prie? Riposta Dulcy, non sans un certain ton de hauteur. Qu'avez-vous à reprocher à M. Blake? Moi? Loin d'avoir quelque chose à lui reprocher. Je le tiens au contraire pour le meilleur et le plus galant homme du monde. C'est à sa générosité et à sa bonté que je dois l'avantage de passer les derniers mois de ma vie dans ce beau pays, d'être installé dans un joli cottage, d'avoir une servante à mes ordres. En un mot, de ne manquer de rien. Mais je n'en suis pas moins persuadé que ce mariage n'aurait pas fait votre bonheur. C'est bien ce que mon père a dit, répondit Dulcy en poussant un profond soupir. Tenez, Dulcy, s'écria Lady Frances en arrivant soudain vers son amie, les mains pleines de fleurs. Voyez un peu mes richesses. J'espère que vous n'êtes pas resté ici à bâiller aux corneilles. Allons, il est temps de rentrer. Votre père pourrait finir par s'étonner que la faim ne fasse pas sortir le loup du bois.